إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 12 dans l'explication du livre Fadlul Islam avec le charh du Cheikh Salih Al-Fawzan. Alhamdulillah, juste avant de commencer le nouveau chapitre, une petite une réflexion en passant. Lorsque j'étais à Médine dernièrement, on a assisté à des dourous de plusieurs parmi les mashaykh, et entre autres par exemple un dars de Cheikh Ubayd al-Jabiri, et j'ai discuté avec un frère à ce sujet-là, parmi les frères qui ont étudié à Médine et qui donnent des cours maintenant, alhamdoulillah, régulièrement. Donc on discutait ensemble, et puis il disait que parfois, des fois en Europe, on avait des conférences, on fait des conventions là-bas, puis des fois on a des commentaires de certains qui disent « Ah, mashallah, regarde, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, des fois il y a des centaines de personnes, donc on se réjouit de voir que il y a beaucoup de monde. » Bon, alhamdoulilah, c'est bien, mais des fois on se base trop sur ça. Et puis, quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est comme si on a une impression que c'est comme si c'est pas aussi important. Et puis on regardait par exemple le nombre de personnes qui suivaient dans le dars de Cheikh Ubayd, et puis on disait subhanallah, imaginez si les gens de l'Europe ou des gens d'ici voyaient la quantité de gens, et comme si en voulant dire comment le nombre est peu, même dans les durous des fois de certains parmi les grands ulama. Hein? Donc si c'est le cas pour les chouyoukh et les ulama, que parfois on trouve leur cours, parfois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, eh bien il faut pas trouver ou penser que ça c'est quelque chose, un mauvais signe, ou que c'est pas quelque chose de bien. Il y a des gens qui jugent uniquement par la quantité. Et en même temps, je me rappelle quand j'étais à l'université, je suis passé dans les couloirs de l'université, à Médine, ils ont fait une nouvelle faculté pour la charia. Donc ils ont maintenant, mashallah, ils ont rajouté une grande faculté pour la charia et tout. Et je marchais dans les couloirs, et puis je suis passé devant une classe, et je regardais qui était celui qui donnait les cours dans cette classe, et puis c'était le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Et subhanallah, la moitié de la classe était vide. Et je me suis dit, subhanallah, imaginez, hein. Le cheikh, on sait qui il est dans sa science, dans son âge, dans son respect, et il est là en train de donner un dars, malgré qu'il est à sa retraite, hein, il vient quand même donner des durus devant une classe de jeunes frères, tullab al-ilm, et il leur enseigne, hein, l'aqida et tout ça. Donc, mashallah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est très bien. Et malgré que, Allah musta'an, il y avait certains élèves qui s'assoyaient au fond de la classe. Hein? C'est dit, subhanallah. Hein? Si on avait, il y a des frères, des fois, qui rêvent d'avoir l'occasion pour aller étudier là-bas. Mais pourquoi, pourtant, des fois, Allah musta'an, on va trouver dans une classe un élève qui dort, un élève qui s'assoit en arrière, quand on voit ça des fois on dit subhanallah, si seulement on pouvait nous être là, ou bien d'autres qui, hein, qui pourraient avoir la possibilité d'être là, puis une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on ne deviendrait pas comme ces gens-là, hein? Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Il y a beaucoup de gens, parfois ils sont motivés, ils veulent partir quelque part, une fois qu'ils ont réussi, après ils arrivent là-bas, puis Allah les éprouve par d'autres choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous accepte et nous donne son tawfiq et al-ikhlas, ainsi de suite, hein, tout le bien dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc on commence avec le sujet de ce chapitre aujourd'hui. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. Le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été mentionné sur le fait que la bid'a est plus dangereuse et plus grave que les péchés capitaux ou que les grands péchés. Donc la bid'a c'est une catégorie de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui est considérée comme étant plus grave que les grands péchés que quelqu'un peut commettre. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique le titre et puis il va aller à fond dans l'explication de ce titre. Il prend plusieurs pages pour l'expliquer. Donc aujourd'hui on va expliquer le titre seulement, probablement qu'on ne va pas entrer dans les hadiths mentionnés. Donc le Cheikh il dit Al-Bid'atu Lughatan hiya al-shay' al-muhdath على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم. Donc le Cheikh il dit que la bid'a selon la langue arabe, la définition linguistique dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu t'en souviens? Non, attends. Dans la langue, selon la langue arabe, une définition linguistique, ça veut dire pas qu'est-ce que c'est dans la religion, qu'est-ce que c'est selon le sens linguistique, le mot bid'ah. Ok, le Cheikh il dit que le mot bid'ah c'est une chose qui est nouvelle, qui n'existait pas auparavant, qui a été faite sans aucun exemple préalable ou précédente. Comme dans le verset 117 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit en disant Badi'u samawati wal ard. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui les a fait exister du néant. Il les a créés du néant. Et il dit ensuite Fal bid'atu hiya shay'ul muhdath. Hadha fi al-lugha. Donc la bid'a c'est quelque chose qui est nouveau, qui est inventé, hein, qui n'existait pas avant. Et ça c'est dans la langue, la définition linguistique. Badi'u. Badi' ça vient de bid'a. Ok? Bada'a. Ça vient de la racine bada'a. Les trois lettres. Ba, dal, ayn. Les trois lettres qui sont à la racine du mot bid'a. Non, badir, c'est fa'il, c'est celui qui fait l'action. Hein? Naam. Donc, le Cheikh il explique, ensuite il dit أَمَّا الْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ إِحْدَاثُ شَيْءٍ فِي الدِّينِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كإحداث عبادة ليس لها أصل لأن العبادات توقيفية فلا بد لها من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ليس عليه دليل فإنه بدعة مذمومة مردودة لأن الله أكمل هذا الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le Cheikh explique, il dit que en ce qui concerne la bid'a maintenant dans la religion, dans la charia, dans la révélation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'inventer quelque chose dans la religion qui n'avait pas de fondement dans le livre d'Allah ni dans la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, d'inventer une adoration qui n'a pas de base dans la religion. Pourquoi? Parce que les adorations, elles sont tawqifiyah, dans le sens que les adorations, pour les faire, on doit avoir une preuve dans le Coran et dans la Sunna. Sinon, on ne peut pas la faire. Hein? Tawqifiyah, ça veut dire qu'on doit s'arrêter au texte. Et s'il n'y a pas de preuve pour la faire, donc c'est une innovation blâmable et rejetée. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, elle a été complétée. Elle est complète déjà. Il n'y a rien à rajouter dedans pour la compléter. Et il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Donc, la religion, elle est complète. Le Cheikh dit, فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ أَكْمَلَ الدِّينَ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين للأمة فأي شيء بعد هذا يحدث فإنه مردود. Le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a informé que la religion elle a été complétée après la religion elle est complète après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, barakallahu fikr. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, la religion, elle était complète. Et il n'est pas mort, excepté que Allah avait déjà complété la religion pour la Ummah. Donc, toute chose qui est inventée après, alors c'est quelque chose qui est rejeté. Ce ne sera pas accepté dans la religion. Et il dit, comme Allah subhanahu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. Donc le Cheikh explique, comme il mentionne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Mais dans une autre narration, quiconque pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, alors ce sera rejeté. Hein, ça va être renvoyé sur lui. Le Cheikh il dit, فَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ حَسَنُ النِّيَّةِ وَيُرِيدُ الْأَجْرَ فَهَذَا لَا يُسَوِّغُ الْبِدْعَةِ وَلَا حَسُنَ قَصْدُ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ صَاحِبِهَا أو نوى بها التقرب إلى الله وقال هذه زيادة خير نقول له هذه زيادة شر وليست خيرا. Donc le Cheikh il dit donc que cette chose là sera rejetée sur lui. Quiconque invente dans qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, quoi que ce soit, ou qu'il pratique quelque chose qui ne fait pas partie de l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors cette chose-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera rejeté sur celui qui l'a fait, parce que yani, il a inventé dans la religion. Même si la personne avait une bonne intention, même si la personne voulait la récompense, ça ne justifie pas l'innovation et ça ne justifie pas la bid'ah. Même si la personne avait une bonne intention lorsqu'elle l'a faite, même si son intention c'était de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et même s'il disait ça c'est pour augmenter du bien ou pour ajouter du bien, le Cheikh il dit, on lui dit à celui-là, non, ça ce n'est pas un ajout de bien, ça c'est un ajout de mal, c'est pas du bien. الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا دليل على أن البدعة شر، وإن كان صاحبها يظن أنها خير. للشيخ الزي: Le bien, c'est ce qui a été ramené par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même que la meilleure parole, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure guidance, c'est la guidance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses sont les choses inventées. Et ça, c'est la preuve que la bid'a, c'est quelque chose de mauvais. Parce que celui qui le fait, il pense qu'il fait du bien. Le Cheikh dit: وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا يَظُنُّ أَنَّهَا خَيْرٌ. Même si celui qui le fait pense qu'il fait du bien, la bid'a c'est quelque chose de mal, et la preuve c'est ce qu'on a mentionné. Le Cheikh dit: وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite: وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. ليس هناك بدعة حسنة كما يقول من يقوله من المبتدعة الذين يروجون البدع بأنها بدع حسنة وليست بدعا سيئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلالة، وليس هناك بدعة هداية أو بدعة خير أو خير. فلو كانت هذه الأعمال خيرا لشرعها الله جل وعلا لعباده. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit: donc même si celui qui le fait pense que il fait du bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute innovation est une égarement, et tout égarement est dans le feu. Toute innovation est une égarement. Il n'y a pas d'innovations qui sont bonnes, comme certains des gens de bid'a aujourd'hui, ce qu'ils disent. Quand tu leur dis qu'est-ce qu'ils font, c'est une bid'a, ils te disent: non, mais c'est une bonne bid'a. Hein? Le cheikh il dit: non, il n'y a pas de bonne bid'a. Même si quelqu'un vient, il te dit ça c'est une bonne bid'a, il n'y en a pas de bid'a. Hein? Même s'il te dit: non, c'est pas une bid'a qui est mauvaise, elle est bonne cette bid'a. Le cheikh dit: non, il n'y a pas de bonne bid'a. Toutes les bid'a sont mauvaises. Il n'y a pas de, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les bid'as sont des égarements. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une bid'a qui est une guidance ou qui est un bien. Hein? Et s'il y avait du bien, hein, si ces actions-là qu'on fait, qui sont des innovations, si elles étaient bonnes et si c'était bien, Allah nous l'aurait ordonné ou nous l'aurait recommandé. Hein? Il l'aurait ordonné ou recommandé à ses serviteurs, il l'aurait légiféré pour eux. فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فِيهِ خَيْرٌ لِلْعِبَادِ إِلَّا شَرَعَهُ لَهُمْ. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين إلا بينه ولم يكتم منه شيئا فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. لشيخ الزي que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien laissé dans lequel il y a un bien pour ses serviteurs, excepté qu'il l'a légiféré pour eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est bien pour les serviteurs d'Allah, excepté que Allah il l'a légiféré pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que soit il l'a ordonné ou soit il l'a recommandé de le faire. Donc si Allah il l'a pas ordonné ou s'il l'a pas recommandé, ça veut dire que c'est pas un bien. Ça veut dire que c'est pas un bien pour nous. Et il dit: le messager n'a rien laissé de la religion excepté qu'il l'a clarifié. Et il n'a rien caché de la religion. Il n'y a rien de la religion qui a été caché. Il a tout transmis ce qu'il devait transmettre de la façon la plus claire, alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui reste. Qala alayhi salatu wassalam. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا فيه تحذير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فليس في البدع شيء حسن بل كلها ضلالة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعبادة أو عمل يتقرب به إلى الله ولم يكن عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه بدعة وهو ضلالة وشر، وليس فيه خير كما يزعم المبتدعة الذين يحدثون أشياء من الأذكار أو العبادات أو الصيام أو الصلوات أو الأدعية أو الأعياد أو غير ذلك، ويظنون أنه يقربهم إلى الله وأنه مشروع. هذا باطل مردود على صاحبه، فالبدع لا خير فيها، ولا حدثت بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فالدين كامل ولله الحمد. دونك للشيخ الزي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et yani, accrochez-vous à celle-ci fermement et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux muhdathat, prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion. Ça c'est un avertissement, car toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Hein, toute bid'a est un égarement. Donc, il n'y a pas de bid'a, il n'y a rien de bon dans les bid'a, il n'y a rien de bon dans les innovations. Elles sont toutes des égarements, selon le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui amène une innovation ou une action par laquelle il pense se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a pas de preuve à son sujet dans le Coran et dans la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une bid'ah, et c'est une innovation qui est égarement et qui est mauvaise. Il n'y a pas de bien dedans, même si les gens de bid'ah pensent que il y a du bien dans ce qu'ils inventent parmi les adhkar, le dhikr, hein, quand ils font des dhikr comme les soufis et les autres gens de bid'ah qui inventent des formes de dhikr Al-Adhkar, comme il y a les gens qui inventent, qui font des bid'a dans les Adhkar. Adhkar, c'est le pluriel de zikr. Le mot Adhkar, c'est le pluriel de zikr. Et zikr, ça veut dire le rappel. Donc les rappels qu'on fait quotidiennement ou après chaque prière, eh bien, il y en a parmi les musulmans, ou des gens qui se disent musulmans, parmi les groupes et les sectes, qui ont inventé des rappels, des adhkars qui n'existent pas dans la sunna et dans lequel il y a des choses qui sont contraires à l'islam. Et il y en a qui ont, disons, rajouté également avec les adhkars des positions et des mouvements et des gestes et des danses et de la musique. Tout ça, ils ont rajouté dans le zikr. Il y en a qui se mettent en cercle, il y en a qui se mettent dans différentes positions, ils font des mouvements spéciaux, ils font des gestes spéciaux en groupe. Il y en a qui le font par exemple aussi subhanallah, avec des respirations, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, avec des respirations spéciales soi-disant. Il y en a qui font des zikr par leur respiration par le nez. Toutes sortes de, ils ont inventé plein de méthodes, il y en a comme ça. Ils pensent que ça fait partie du zikr. Ou bien des adorations qu'ils pratiquent, des choses qu'ils font. Ou bien des jeûnes qu'ils inventent, ou bien des différentes prières qu'ils font à différents moments de la journée, ou des invocations, ou des fêtes, des célébrations qu'ils ont inventées. Et ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah en faisant ça. Et ils pensent que ça c'est quelque chose qui est légiféré. Le cheikh il dit ça c'est quelque chose qui est totalement faux et qui est rejeté sur celui qui le fait, parce que les innovations ne possèdent ou n'ont rien de bon. Il n'y a rien de bon en elles. Et il n'y a pas une innovation qui s'est produite, excepté que Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a pas une innovation qui se produit, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que il y a une sunna qui a été retirée par rapport à cette bid'ah. Donc chaque fois que quelqu'un fait une bid'ah, ça enlève une sunna. Ça fait oublier aux gens une sunna. Puisque les gens qui font cette bid'ah, ils vont délaisser la sunna parce qu'ils disent nous on a cette bid'ah, donc ça nous compense de faire la sunna. Et à cause de ça, plus les gens commencent à faire des innovations, plus la sunna diminue et plus les gens s'éloignent de la sunna. Donc le cheikh dit la religion elle est complète déjà, il n'y a rien à rajouter, walhamdulillah. Ensuite il dit والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يأتي بأشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا من سنة رسوله فهي مردودة ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله بالتحذير من البدع وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة مطولة ومختصرة. Le cheikh il dit, donc il dit que celui qui veut faire le bien selon la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la porte elle est ouverte pour lui s'il veut faire du bien selon la sunna. Mais que quelqu'un arrive avec des choses de lui-même qui n'ont aucune source, aucune base dans le livre d'Allah ni dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est rejeté. Et c'est pour cette raison que les ulama de l'islam, que Allah leur fasse miséricorde, ont mis en garde contre les innovations et qu'ils ont écrit des livres, de nombreux livres, certains qui sont résumés, d'autres qui sont très longs, hein, pour détailler les questions de la religion qui ont rapport à l'islam et pour réfuter les innovations. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ لِلْإِمَامِ الشَّاطِبِي واقتضاء صراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية والبدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة كما جاء في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحذير منها. Le cheikh il dit que parmi les livres qui ont été écrits par les ulama pour avertir contre les innovations, il y a par exemple le livre de l'imam Shatibi qui s'appelle Al-I'tisam. Al-I'tisam qui vient du verbe qui est dans le Coran, dans le verset dans surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. C'est-à-dire cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc lors de nous cramponner au câble d'Allah, c'est-à-dire de nous accrocher à la vérité, au Coran et à la Sunna, eh bien, ça a été qu'est-ce qui a amené l'imam Shatibi à donner à ce livre-là son titre. Il a intitulé son livre Al-I'tisam, c'est-à-dire de s'accrocher, de se cramponner à la Sunna et de s'éloigner de ce qui nous divise, c'est-à-dire les innovations. Donc, le livre de l'imam Shatibi, c'est un des livres rentre dans les détails au sujet des questions des innovations et il réfute dans ce livre-là beaucoup des shubuhat, des gens de bid'ah, et c'est un livre très intéressant. Barakallahu fik. C'est comme le frère frère Mukhtar, il nous dit que il écoutait un dars de Cheikh Al-Albani rahimahullah et il mentionnait justement le livre de l'imam Al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, et il citait une parole de l'imam Malik. Et ça rentre justement par rapport au dars qu'on fait aujourd'hui, le même sujet. L'imam Malik a dit, celui qui invente quelque chose dans la religion et il pense que c'est quelque chose de bien, alors c'est comme s'il s'imaginait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait trahi la transmission du message ou avait trahi le message. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'imaginait que la religion elle n'avait pas été complétée. Hein, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas transmis correctement le message d'Allah. Donc c'est ça la gravité de l'innovation. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave qu'un simple péché. Ensuite, le Cheikh il dit qu'il y a également un autre livre qui s'intitule Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. C'est un livre qui est écrit par l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Et ça, c'est un livre également parmi les meilleurs livres, justement, qui clarifie cette question des innovations. Et tout le début du livre, disons, c'est une mise en garde contre le fait d'imiter les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et que, justement, par la suite, il parle des innovations pour montrer que beaucoup des gens, parmi les musulmans qui sont tombés dans l'innovation, sont tombés dans l'innovation en imitant les juifs et les chrétiens dans la religion et dans beaucoup d'autres aspects. Donc c'est pour ça. Et c'est un livre vraiment important. Ensuite, il mentionne le livre qui s'appelle Al-Bid'a wa an-Nahy anha, les innovations et l'interdiction de les faire, écrit par un des imams qui s'appelle Muhammad ibn Waddah, et un autre livre qui s'intitule Al-Ba'ith 'ala Inkar al-Bid'a wal Hawadith, écrit par l'imam Abi Shama. Et il y en a beaucoup d'autres également parmi les livres qui ont été écrits, qui sont longs ou qui sont résumés. Et également dans les livres de hadith, les livres de la sunna, il y a dans les explications de ces livres-là des explications au sujet des innovations et des mises en garde aussi au sujet des innovations. Ensuite, le Cheikh dit, فالبدع شر وأهلها أهل ضلال وهي تحارب السنن ولذلك تجد المبتدعة يبغضون السنن ويحبون البدع وينشطون في إحياء البدع وإذا جاءت السنة تكاسلوا وثقلت عليهم السنن هذا شيء معروف عن المبتدعة أنهم لا ينشطون إلا في البدع ومواسم البدع أما السنن فإنهم من أكسل الناس عنها وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى لأن من ترك الحق ابطلي بالباطل. Le Cheikh il dit que les bid'a sont des choses mauvaises, et les gens qui font les innovations, qui font les bid'a, sont des gens d'égarement, et ils font la guerre au sunan. Ils font la guerre au sunan. Sunan, c'est le pluriel du mot sunna. Donc ils font la guerre au sunan. Et c'est pour ça que tu trouveras que les gens de bid'a, ils ont une haine contre la sunna. Ils ont une haine contre la sunna et ils aiment les bid'a. Et ça, c'est quelque chose que tu remarques chez les gens de bid'a en général. Ils sont motivés pour faire revivre les bid'a. Et lorsque la sunna vient, ils deviennent paresseux, ils deviennent lourds. Ils ne sont pas motivés, ils ne veulent pas les faire. Et ça, c'est quelque chose qui est connu de la part des gens de bid'a, que lorsque c'est une bid'a, ils sont motivés, ils veulent faire beaucoup d'efforts, excepté dans la sunna. Dans la sunna, ils sont les gens les plus paresseux. Quand il y a une bid'a, quand il y a une fête ou une période de l'année où il y a une bid'a, tu les vois, ils sont motivés. Ceux, par exemple, aujourd'hui qui font le Maulid Nabawi, quand c'est le Maulid, tu les vois, ils sont motivés pour faire ça. Ils font beaucoup d'histoires et de. Même Allah al-Musta'an à Montréal, les Ahbash, qu'est-ce qu'ils font ce jour-là quand ils célèbrent soi-disant l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une grosse parade dans la rue, ils amènent les policiers de la ville de Montréal pour suivre leur cortège. Après ça, ils ont même des chevaux avec des décorations, et puis ils amènent de la musique, des anachides, des trucs de ce genre. Ils vont louer le parc, ils font des célébrations, des activités pour les enfants, des jeux, tout ça pourquoi? Pour une bid'a. Mais quand c'est le temps de faire la sunna, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Quand c'est les célébrations qui sont selon la sunna, pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ces efforts-là pour faire des réjouissances ou faire que les gens se réjouissent ce jour-là? Ils font pas ça. Pourquoi? Yani parce qu'ils sont motivés pour la bid'ah. Et pour eux, si tu les critiques ou tu dénonces, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font les innovations, tu dis ça c'est une innovation. Il y en a qui vont même te dire que tu es un égaré ou que tu es un innovation, un innovateur. Et ils te traitent, hein? Ouais, ils disent que tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est à quel point ces gens-là ont renversé les choses à l'envers. Donc, le cheikh, il dit, quand c'est la sunna, ils sont paresseux. Et ça, c'est une punition que Allah leur a donnée. Parce que celui qui abandonne la vérité, Allah, il l'éprouve par le faux. Et il devient défenseur du faux. A'ouzou billah. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, فَالْبِدَعُ لَا يُتَسَاهَلُ فِي شَأْنِهَا أَبَدًا لِأَنَّهَا خَطَرٌ عَلَى الدِّينِ وَخَطَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِهَا يَزُولُ الدِّينُ شَيْئًا فَشَيْئًا وتحل محله البدع وهذا ما يريده الشيطان لبني آدم يريد أن يزحزحهم عن الشريعة إلى البدع وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن أن يزحزح الناس عن السنن إلى البدع. Bien, alhamdulillah, barakallahu fik. Masha'Allah. Donc le cheikh il dit que les innovations, il ne faut pas prendre ça à la légère, jamais, parce que c'est un danger pour la religion des gens. C'est un danger pour la religion, c'est un danger pour les musulmans. Et c'est ainsi que la religion, petit à petit, elle commence à disparaître. Et elle est remplacée par quoi? Par les innovations. Et ça, c'est ce que le shaitan, il veut des fils d'Adam. Il veut écraser ou mettre de côté, hein, comme on dit ici, tasser la charia. Donc il veut éloigner la charia pour ramener les gens vers la bida. Ça c'est ce que le shaitan il veut. Hein? Et c'est ce que veulent également les hommes, les diables parmi les hommes et les djinns. Ils veulent ramener les gens et les écraser vers les bid'ahs et les éloigner de la sunna. Les faire sortir de la sunna pour les ramener vers la bid'ah. Donc le cheikh il dit ensuite, ثم إن بعضهم أو كثيرا منهم له مطامع في هذه الأمور لأنه يعيش من ورائها ويأكل بها ولهم مطامع دنيوية لهم بها رئاسة يترأسون بها على الناس. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لأعزهم الله ولأغناهم الله فلا شك أن العز والرفعة في الدنيا والآخرة هي بالتمسك بالسنن وترك البدع. هذا باب عظيم ينبغي العناية به. Le cheikh il dit que puis parmi ces gens-là, parmi les gens de bid'a, il y en a qui ont des intérêts là-dedans, parmi les choses de la dunya. Ils ont des intérêts avec la bid'a. Ils vivent par la bid'a. Ils mangent avec la bid'a. Et donc ils ont beaucoup d'intérêts dans la dunya de par cette bid'a. Ils ont un poste, ils ont un statut, ils ont un niveau sur les gens. Et donc, ils vivent par cette bid'a et ils ne sont pas satisfaits de la sunna à cause de ça. Hein? C'est comme, je pense, Maïga, tu me racontais l'histoire l'autre jour par rapport à un qui est revenu là, de l'université, un docteur, et que son père c'était le chef des soufis dans la ville. Quand il est revenu, il a appris pendant, je ne sais pas, déjà pour avoir un doctorat de médecine, de l'Arabie Saoudite, ça veut dire minimum tu as étudié 12 ans. C'est 4 ans pour la licence, 4 ans pour le magistère, la maîtrise, et 4 ans pour le doctorat. Donc ça fait 12 ans minimum. Ça, c'est s'il n'a pas fait la mutawassita et la thanawiya. C'est-à-dire s'il n'a pas fait l'école intermédiaire, secondaire et intermédiaire. Donc ça c'est minimum 12 ans. Pendant 12 ans tu apprends le Coran et la Sunna et la Aqida Salafia et tout ce qui a rapport avec ça. Après tu retournes dans ton pays comme docteur et parce que ton père était chef des Tijaniya dans ta ville, toi tout d'un coup et tu dis, ah ben moi je dois prendre la relève de mon père, tu oublies tout ce que tu as appris et tu continues sur la voie de la bid'a. Yani, ça c'est grave. Donc ça c'est un exemple. Ces gens-là c'est comme ça. Et comme Cheikh, yani, je me rappelle plus si c'était Cheikh Mohamed, Cheikh Saleh Suhaimi ou bien Cheikh Mohamed Aman ou un des mashaykh, il racontait l'histoire, il disait que le Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, il lui parlait justement des soufis hein, au Maroc et ailleurs. Il dit que certains d'entre les chouyours soufis, hein, ils disent la vérité, elle est avec les salafis. Et elle est avec les gens d'Ahl-Sunnah. Mais si on dit ça aux gens, les gens ils vont être perdus par la suite. Ils vont, dans le sens, pour, selon eux, ils vont dire, mais maintenant, si c'est eux qui sont sur la vérité, maintenant nous, on va faire quoi hein? Donc, ils ne veulent pas laisser les gens, hein, ils ne veulent pas les ramener au al-haq, ils veulent les laisser dans le batil. Et donc, à cause de ça, ils continuent là-dedans. Exactement. Ils ne veulent pas perdre aussi leur position qu'ils ont chez les gens. Et... Et d'un côté, c'est des ignorants, mais d'un côté aussi, c'est notre devoir de leur transmettre l'explication et les enseignements et le message. Hein? Et petit à petit, inchallah, ils reviennent. Mais ça prend des gens qui, pour que des gens quittent ces gens-là, ça prend des gens courageux. C'est comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdullah ibn Salam, hein, qui était un des rabbins parmi les juifs à l'époque, il s'est converti à l'islam. Avant de se convertir à l'islam, il a dit, regarde, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, regarde, qu'est-ce que les juifs disent de moi. Il a demandé, qu'est-ce que vous dites de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit, c'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, le plus intelligent, le plus si, le plus... Ça commence à faire des éloges. Alors, il a dit devant les juifs, il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont dit, ça c'est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous. Hein? Donc, eux, c'est ça ce qu'ils craignent en même temps. Que du moment que là, ils sont dans leur pays, ils ont une importance, ils ont un statut, ils ont un... Les gens les regardent avec respect et avec crainte même parfois. Et s'ils viennent aux gens commencer à dire, non, ça, ce qu'on a suivi jusqu'à aujourd'hui, c'est faux. Ça, ils ont peur que les gens les laissent et que les autres parmi les soufis qui sont là commencent à les critiquer et à les chasser également, qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient. Et comme on peut constater ça même dans plusieurs pays où les soufis ont une importance dans la société, ils ont une place. Ils ne montrent pas aux gens ordinaires la réalité de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils croient. Ils ne le disent pas publiquement en général, c'est dans des cercles fermés, dans des cercles bien privés. Mais quand ils sont entre eux, ils disent certaines choses, ils enseignent certaines choses, c'est clair que c'est de l'égarement. Et si les gens ordinaires entendaient ces paroles-là, tout de suite ils les auraient abandonnées. Yarhamkallah. Allah musta'an. Allah musta'an. نسأل الله العافية نسأل الله يهديه ونمنى الله سبحانه وتعالى qu'il le guide. Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il mentionne le verset 59 dans surat Tawbah. Il dit, si ils auraient été satisfaits de ce que Allah leur a donné ainsi que le messager, et qu'ils avaient dit, Allah nous suffit, Allah va nous donner de sa grâce et son messager et nous retournons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, donc le cheikh il dit, s'ils avaient donc été satisfaits de ce qu'Allah leur a donné, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait donné la force, la puissance, hein, le respect, les aurait enrichis. Hein, il n'y a pas de doute que la vraie fierté, la vraie force, la vraie puissance, la vraie élévation dans cette dunya et dans l'akhira, c'est dans le fait de s'accrocher au sunan et d'abandonner les innovations et les bid'ah. Et ça, c'est un point important et on doit tous être concernés par ça. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un s'accroche à la sunna et qu'il défend la sunna et qu'il combat les innovations et les bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la force, lui donne la fierté dans cette dunya, même s'il n'a rien. Allah fait que les gens le respectent et fait en même temps que يعني, il soit craint même par les gens de bid'ah. Hein? Le Cheikh dit ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. Donc c'est pour cette raison là que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a intitulé justement ce chapitre par ce titre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné, qu'est-ce qui a été rapporté sur le fait que l'innovation est plus grave que les grands péchés. Ashaddu min al-kaba'ir. Et il explique ensuite, il dit al-kaba'ir hiya dhunub al-kibar li'anna adh-dhunuba tanqasimu ila qismayn kaba'ir wa sagha'ir. Fal-kaba'ir dhabituha كل معصية أوجب الله عليها حدا في الدنيا كحد الزنا وحد السرقة والقصاص وحد الشرب هذه كبائر يعني ما عليه حد في الدنيا يقام على من ارتكبه فهو من الكبائر أو ما عليه وعيد في الآخرة كالتوعد بالنار على من فعل كذا أو اللعن أو باللعنة أو بالغضب هذا ضابط الكبيرة وما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله مثل ليس منا من فعل كذا. Donc le Cheikh explique que les grands péchés, ce sont les péchés qui sont graves, qui sont grands, qui sont les péchés capitaux. Les péchés se divisent en deux catégories. Il y a les grands péchés et les petits péchés. La règle pour distinguer entre les grands péchés et les petits péchés, c'est quoi? C'est que les grands péchés, c'est tout péché qui fait que il y en a tout péché pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une punition dans cette dunya. Une punition dans cette dunya. Ou dans l'au-delà. Donc, il donne des exemples de punition dans cette dunya. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit une peine pour le zina, pour l'adultère ou la fornication, ou pour le vol, ou pour le al-qisas, c'est-à-dire lorsque quelqu'un fait une blessure ou un mal à quelqu'un, eh bien c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Donc ça fait partie des grands péchés. Ou bien la punition pour la personne qui est en état d'ivresse. Lorsqu'on l'a attrapé, il était ivre, il y a une punition dans la charia pour ça. Ça, c'est les grands péchés, on appelle ça kaba'ir. Et c'est parce qu'il y a une peine dans la dunya pour ces péchés-là qui sont établis sur celui qui les a commis. Et donc, on appelle ça des grands péchés. Ou également les péchés au sujet desquels il y a une menace dans l'au-delà à son sujet. Comme par exemple, le fait que le fait que Allah a menacé celui qui fait telle action par le feu de l'enfer ou par une malédiction ou par une colère. Donc ça, c'est la règle pour savoir qu'est-ce qui est un grand péché. Donc la règle pour savoir qu'est-ce qui est un grand péché, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une punition pour ça dans la dunya ou dans l'akhirah, dans le texte du Coran ou dans la sunna? S'il y a une menace d'un châtiment dans l'au-delà ou s'il y a une punition prescrite pour ce péché-là dans la dunya, alors dans ce cas-là, ça veut dire que ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et le Cheikh il dit donc que tout ce qui est, comme j'ai dit, ce qui a une punition prescrite dans la dunya ou une menace dans l'au-delà, tout ce qui est terminé par la mention d'une colère ou d'une malédiction de la part d'Allah ou quelque chose qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui fait telle ou telle action, comme par exemple lorsqu'il dit par exemple laysa minna man fa'ala kadha, celui qui fait ça il n'est pas de nous, ou celui qui fait ça il n'est pas de moi, ça c'est des exemples de grands péchés. Le Cheikh dit amma ma jaa an-nahyu anhu wa lam yurattab alayhi shay'un min dhalik wa innama huwa nahyun faqat fa hadhihi dhunubun sagha'ir. En ce qui concerne les péchés qui sont des choses interdites, mais qu'il n'y a pas de conséquences qui ont été mentionnées par rapport à ces péchés-là, c'est seulement une interdiction. Dans ce cas-là, ce sont des petits péchés. Et le Cheikh il dit wa akbaru al-kaba'ir ash-shirku billahi 'azza wa jalla li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiru li sahibihi aw annahu la yughfaru li sahibihi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الكبائر التي دون الشرك هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها. قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh il dit que les grands péchés, le plus grand de tous les grands péchés c'est quoi? C'est le shirk avec Allah, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et Allah a informé que celui qui commet le shirk, il ne sera pas pardonné. Il ne sera pas pardonné. Et il mentionne la preuve de ça dans le verset 48, dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on fasse quoi que ce soit de shirk avec lui, qu'on associe quoi que ce soit, ou qu'on lui donne des partenaires dans l'adoration. Mais il pardonne tout autre péché que le shirk à qui il veut. Tout autre péché en dessous du shirk, hein, qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc le shaykh explique que les grands péchés qui sont moins graves que le shirk, ceux-là sont sous la volonté d'Allah. Mais le shirk, il ne pardonne à personne. Toutefois, les péchés qui sont moins graves que le shirk, parmi les grands péchés, ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il le châtie. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Ça, c'est la preuve. Il pardonne tout autre péché à qui il veut. وَمُرْتَكِبُ الْكَبِيرَ دُونَ الشِّرْكِ لا يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكون ناقص الإيمان فيكون فاسقا. أما الخوارج والمعتزلة فيرون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام، والجهمية والمرجئة لا تضر عندهم المعاصي، فالخوارج يكفرون صاحبها ويخلدونه في النار، والمعتزلة يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا بكافر، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج، والمرجئة يقولون الإيمان بالقلب لا تضر معه معصية، أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ناقض الإيمان وهو تحت المشيئة، ليس بكافر ولكنه ناقص الإيمان أو فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولكنه لا يخرج من الإسلام وهو متعرض للوعيد الذي توعده الله به. Donc le cheikh explique, il dit que celui qui a commis un grand péché qui est moindre que le shirk, il ne devient pas mécréant selon la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ceux qui le déclarent mécréants, ce sont seulement les khawarij. Le cheikh il dit, si quelqu'un parmi les musulmans a commis un grand péché qui est moins grave que le shirk, il ne devient pas mécréant selon la aqidah de Ahlus Sunnah. Mais on dit seulement à son sujet que sa foi elle est faible, hein, sa foi est déficiente, il y a un manque dans sa foi. Donc il est un pécheur, il est un fasiq. Mais les khawarij et les mu'tazila, eux, ils considèrent que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam complètement, devient mécréant, kafir. Et donc ça c'est leur croyance à eux. Et les jahmiya et les mu'tazila, eux, c'est dans l'autre extrême. Ils disent que si tu fais des péchés dans ta religion, ça ne dérange pas ta foi. Ta foi reste toujours la même chose, même si tu fais des péchés. Donc, les khawarij, eux, ils font sortir celui qui fait des grands péchés, ils déclarent qu'il sera en enfer pour l'éternité. Et les mu'tazila, eux, ils disent que dans l'au-delà, il va être, dans l'enfer pour l'éternité aussi. Sauf que les mu'tazila, eux, contrairement aux khawarij, par rapport au verdict dans la dunya, celui qui commet des grands péchés, les Mu'tazila disent à son sujet qu'il est dans un degré entre les deux. Il n'est pas musulman, puis il n'est pas kafir. Mais lorsqu'il va mourir, s'il ne s'est pas repenti, il va être éternellement en enfer. Comme le disent la secte des Khawarij. Hein? Et les Murji'a, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. La foi, c'est dans le cœur seulement. Et le fait de faire des péchés, ça ne nuit pas à la foi. Ta foi reste toujours correcte, même si tu commets les pires péchés. Et le cheikh il dit ensuite, mais la position d'Ahlus Sunnah, c'est que celui qui commet des grands péchés, qui sont moins graves que le shirk, alors elle diminue la foi, mais la personne reste sous la volonté d'Allah. Il n'est pas mécréant, mais sa foi elle est diminuée, elle est faible. Ou on dit qu'il est un pécheur. Ou bien on dit qu'il est croyant par sa foi et pécheur par son péché, par son grand péché. Mais il ne sort pas de l'islam pour ça. Mais il est menacé par la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, فَالْبِدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمِنْ وَجْهٍ فَالْبِدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ مِنْ وَجْهٍ أَنَّ الْبِدْعَةَ إِحْدَاثٌ فِي الدِّينِ لم يشرعه الله فصاحبها يظن أنها من الدين أما مرتكب الكبيرة فلا يدعي أن ما فعله من الدين بل يعترف أنه عاص وأنه مخالف ولكن قادته الشهوة فوقع في المعصية ولا يدعي أن هذا دين بخلاف المبتدع فهو يظن أن هذا من الدين فلذلك صارت البدعة أشد من الكبيرة. Donc le cheikh il explique maintenant, il commence à expliquer pourquoi la bid'a elle est plus grave que les grands péchés. Il explique que la bid'a elle est plus grave que les grands péchés du point de vue que la bid'a c'est une invention que tu fais dans la religion que Allah n'a, quelque chose que Allah n'a pas légiféré. Et la personne qui le fait, elle s'imagine que ça fait partie de la religion. Tandis que la personne qui commet un grand péché, elle ne prétend pas que ce qu'elle fait fait partie de la religion. Bien au contraire, elle reconnaît qu'elle est en train de désobéir et qu'elle est en contradiction avec la religion. Mais, par contre, c'est ses passions qui l'ont amenée à tomber dans ce péché-là. Donc, il ne prétend pas que ça fait partie de la religion. Contrairement à l'innovateur, contrairement au mubtadi', parce que lui, il pense que ce qu'il fait fait partie de la religion. Et c'est pour ça que la bid'a est plus grave que les grands péchés. وكذلك صاحب الكبيرة يعرف أنه مخطئ ويريد أن يتوب بخلاف صاحب البدعة فإنه لا يعترف أنه مخطئ بل يرى أنه مصيب وأن عمله هذا صحيح ولذلك قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على حق بخلاف العاصي وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة وكثيرا ما يتوب أصحاب الكبائر وهذا وجه كون البدعة أشد من الكبائر من الكبيرة. Donc le cheikh il dit, de même que la personne qui commet un grand péché, il sait qu'il est dans l'erreur, il veut se repentir. Quelqu'un qui commet un grand péché, il va pas dire c'est bien qu'est-ce que je fais, il sait qu'est-ce qu'il fait c'est pas bien, il sait qu'il doit se repentir de ça. Contrairement à l'innovateur, la personne qui fait des bid'as, il ne veut pas reconnaître qu'il est dans l'erreur. Au contraire, il considère qu'il est correct et que son action est bonne. Et même pire que ça encore, le cheikh il a pas mentionné ici, mais pire que ça encore, non seulement il pense qu'il est correct et que il est sur la vérité et que c'est correct ce qu'il fait, mais il pense que les autres sont dans l'erreur et que ceux qui suivent la sunna sont des égarés. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite, et c'est pour ça que tu trouveras peu d'entre les gens de bid'a, les mubtadi'a, tu en trouveras peu d'entre eux qui se repentissent. Tu vas trouver peu d'entre les gens de bid'a qui acceptent de se repentir parce qu'ils considèrent qu'ils sont sur la vérité, contrairement aux pécheurs. Même si tu le vois en train de commettre un grand péché, il sait que ce qu'il fait c'est une erreur et il a peur de la punition d'Allah. Et souvent, tu vois qu'il va se repentir. Tu vois que les gens qui commettent des grands péchés, qui boivent de l'alcool ou qui sortent avec des femmes ou qui font d'autres grands péchés comme ça, eh bien, souvent tu les vois quand tu leur parles et tout, tu leur fais leur appel, tu leur demandes de craindre Allah et puis ils se repentent et ils reviennent à l'obéissance. Donc, contrairement au Mubtadi' qui lui au contraire, le pécheur en général il a honte de faire son péché, il se cache. Le Mubtadi' au contraire, non. Il pense que c'est bien, donc il le montre. Hein, ça c'est un exemple. Et il invite les autres à le faire, imaginez donc, ça c'est grave. Le cheikh dit ensuite, il mentionne le premier verset donc qui est mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là, et c'est le verset justement Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, le verset 48 dans sourate An-Nisa. Cheikh Al-Fawzan il explique le verset qui dit donc Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais il pardonne il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc le cheikh il dit al bid'a qad takunu shirkan wa qad takunu duna dhalik wa hiya aqsam. Hein, juste pour mentionner juste en passant par rapport à qu'est-ce qu'on mentionnait tout à l'heure du docteur qui est revenu de Médine, subhanallah, et qui est retourné avec les Tijaniyah et les gens de Bid'a, subhanallah. Souvent, par exemple, supposons que un musulman, comme par exemple, quand moi je suis parti en Afrique, par exemple, pour aller faire quelques conférences pour les frères, subhanallah, si je rencontre n'importe quel d'entre les chouyours soufis, si un homme, par exemple, qui est âgé dans la tariqa, hein, qui est respecté par les gens, qui est resté dans la tariqa pendant des années, peut-être qu'il a 60 ans, 70 ans, hein, si tu t'assois avec lui, tu lui parles, tu lui expliques les choses du Coran et de la Sunna, tu vas parler de ça devant les gens, ils vont t'écouter, et puis lui, étant donné que les gens le considèrent comme étant une référence, comme étant un exemple, un modèle, parce qu'ils voient son âge, ils voient son exemple, ils disent lui, ça y est. L'autre, il est un jeune, hein, il vient de, on ne sait pas d'où, hein, il vient de, en plus il est converti, on ne sait même pas quand est-ce qu'il a accepté l'islam. Lui, c'est un homme, il est âgé, il a appris cette chose-là, peut-être même son père et son grand-père, ils étaient là-dedans, hein, ils ont appris cette religion-là et cette tariqa. Donc, ces gens-là, quand ils vont voir ça, ils disent, bon, ils jugent comme ça. C'est comme ça que les gens jugent. Ils ne jugent pas par rapport aux preuves que tu ramènes, aux versets du Coran, aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux paroles des salafs, aux explications des ulama. Non. Eux, ils jugent comment? Ils jugent juste par la réputation de la personne. Et par son prestige, ou par son statut, ou par sa lignée, ou par son origine, ou par des choses de ce genre. Mais par autre chose, pour eux, les preuves, les arguments, les références, ils ne prennent pas ça comme une preuve. Et donc tu peux leur amener n'importe quel verset, n'importe quel hadith, n'importe quelle parole, des ulama, n'importe quelle explication, pour eux ça ne veut rien dire. C'est comme si tu parlais avec du bétail. Hein? Tu parles avec du bétail, ils ne t'écoutent pas, ils ne t'entendent pas. Donc malheureusement c'est comme ça, parce que ces gens-là les ont posséder maintenant ces chouyours de soufis. Allah al-musta'an. Naam, Allah al-musta'an. Mais c'est grave, wa alaykum salam. Celui qui a appris un peu le Coran, comme tu dis, puis qu'il utilise ça pour son avantage personnel, pour son intérêt, ou pour égarer les gens, ou pour les amener les garder sous son contrôle et des choses de ce genre, ça c'est quelqu'un qui est vraiment malhonnête. A'udhu billah. Alhamdulillah. Non, même il y a des frères qui sont repentis de ces voies-là et qui ont quitté les exemples des gens de Bid'a, des soufis et autres choses. Quand ils rentrent dans la sunna et dans la voie des salafs, ils viennent voir les chouyours salafis, ils leur parlent de cette manière-là aussi des fois. Parce que c'est tellement ils ont été là-dedans pendant longtemps, c'est une habitude. Ils viennent te voir et dire, chir, je vais faire telle chose. Est-ce que tu peux, par exemple, faire ça, ou faire ça pour moi, ou demander à Allah, ou... Yani. Et non. C'est comme les... Ça me fait penser à l'exemple des... de certains qui étaient convertis récemment à l'islam. Et quand ils sont passés à côté d'un arbre que les mouchriquins utilisaient pour accrocher leurs épées, et puis ils croyaient que cet arbre pouvait donner de la force à l'épée, certains parmi les nouveaux convertis, ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux nous désigner un arbre? Nous aussi on va faire ça avec l'arbre, on va mettre nos épées dedans, comme ça, ça va donner de la force à nos épées, mais ça va être un arbre que toi t'as désigné, donc ça va être un arbre comme islamique, hein? Et puis ce sera pas comme les mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, subhanallah, inna hassunan. Il a dit, subhanallah, qu'est-ce que tu dis là? C'est l'exemple que les gens ont suivi auparavant. Il dit, ça c'est comme, qu'est-ce que tu m'as demandé? C'est exactement qu'est-ce que le peuple d'Israël a demandé à Moussa lorsqu'ils ont demandé de leur fabriquer une idole comme celle que les mouchriquins avaient à l'époque. Et donc ça c'est l'exemple aujourd'hui qu'on a des frères, parfois ils viennent dans la salafie, hein, commencent à apprendre le tawhid et la sunna, puis il leur reste encore des séquelles de qu'est-ce qu'ils ont vu dans la société chez les gens de bid'a et chez les gens qui pratiquent le shirk. Et ils veulent parfois essayer de suivre cet exemple parce que c'est seulement ça qu'ils connaissent. Donc ça prend des fois, il faut leur expliquer encore plus, il faut faire beaucoup d'efforts pour les nettoyer complètement de toutes ces mauvaises compréhensions-là. Donc pour revenir à la parole du cheikh qui explique le verset 48 dans Sourate An-Nisa, il dit « Al-bid'atu qad takunu shirkan, wa qad takunu duna dhalika, wa hiya aqsam. منها بدعة شركية تخرج من الدين كدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والذبح للقبور فهذه بدعة شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار إن الله لا يغفر أن يشرك به والشرك ابتداع لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه وهذا أعظم البدع فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله لأنه شرك لأنه شرع دين لم يأذن به الله أو لم يأذن الله به ولا يرضى به. Donc le cheikh explique que la bid'a, ça se peut que ce soit du shirk aussi. Comme si des fois, le cheikh il dit, ça se peut que la bid'a soit au degré du shirk, et que ce soit du shirk, ou bien ça se peut également que la bid'a soit quelque chose de moindre que le shirk. Donc il dit que la bid'a, elle a des différents degrés. Il y a la bid'a qu'on appelle bid'a shirkiya. Cette bid'a, elle fait sortir de l'islam. Comme par exemple, le fait d'invoquer autre que Allah, d'appeler au secours les morts, de sacrifier pour les tombes des animaux, hein, tu sacrifies des animaux pour les tombes ou pour les morts. Ça, c'est des formes de bid'a qui sont au degré du shirk. Et Allah ne les pardonnera pas, excepté à celui qui s'est repenti. Mais celui qui meurt sur cette pratique, alors il sera éternellement dans l'enfer, comme Allah le dit dans le verset. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Le shirk également c'est une innovation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes, a créé les créatures pour son adoration. Et s'ils adorent d'autres choses que Allah, ils adorent d'autres choses que lui, avec lui, alors ils ont inventé dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Donc, à l'origine, la religion d'Allah, c'est d'adorer Allah seul. Si quelqu'un fait du shirk ou associe avec Allah dans l'adoration, donc il a inventé dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie. Et donc, c'est une forme de bid'a. Donc, le shirk, c'est une forme de bid'a aussi. Hein? Et le cheikh, il dit parce que ils ont inventé dans la religion. Donc, ça, c'est la plus grande forme de bid'a, c'est ça, la bid'a du shirk. Hein? Et le shirk c'est la plus grande forme donc des bid'ahs, et il dit que pourquoi? Parce que c'est une chose qu'on a légiféré dans la religion que Allah n'a pas permis. C'est quelque chose qu'on légifère dans la religion qu'Allah n'a pas permis et qu'Allah n'a pas agréé. Ensuite, il mentionne Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un autre verset, c'est le verset 42 dans Surat Al-An'am. Il dit, le verset c'est وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Hein? Verset 144 dans Surat Al-An'am. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les hommes sans science? Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet? Il dit وَمِنْ وُجُوهِ كَوْنَ الْبِدْعَ شَرًّا مِنَ الْكَبِيرَ شرا من الكبيرة أن المبتدع يفتري على الله الكذب ويقول هذا شرع هذا دين هذا فيه أجر وثواب فهو يفتري على الله الكذب بخلاف العاصي فإنه لا يدعي أن هذا دين لأنه يعرف أنه عاص أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب حيث يقول إن هذا من الدين وإن هذا يقرب من الله سبحانه وتعالى ثم إن العاصي لا يقتدى به بل الناس يظنونه بخلاف المبتدع فإنه يقتدي به الناس أو نعم يقتدي به الناس ويتعبدون ببدعته فهو شر من مرتكب الكبيرة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم لأنهم يتبعونه خصوصا إذا كان له نصيب من العلم أو عنده عبادة وتقى وورع فالناس يغترون به ويقتدون به في بدعه بخلاف الزاني وشارب الخمر فهذه كبائر والناس لا يقتدون بفاعلها بل يمقتونه ويظنونه فهذا أيضا من وجوه كون البدع شرا من الكبيرة. Donc ça c'est un point important. Le Cheikh il dit, parmi les exemples ou les points de vue qui font que la bid'a est plus grave que le grand péché, c'est que le mubtadi' il invente un mensonge contre Allah. Il dit, ceci c'est légiféré, ceci c'est la religion, ceci il y a une récompense pour le faire. Donc il invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et contrairement, ça c'est contrairement aux pécheurs. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prétend pas que ça fait partie de la religion. Et au contraire, hein, il sait que c'est quelque chose qui est interdit et qui est en train de désobéir. Tandis que le mubtadi', non. Le mubtadi', il invente un mensonge contre Allah. Et il dit ça fait partie de la religion. Et ça rapproche à Allah. Hein. Puis, ensuite, le pécheur, ça c'est un autre point, c'est que le pécheur, on ne le prend pas comme modèle. Les gens vont pas le suivre comme un modèle. Au contraire, les gens vont le blâmer quand il fait un péché. Les gens vont dire, oh, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il fait. Hein? Les gens vont voir que c'est quelque chose de mal. Tandis que le mubtadi', c'est le contraire. Les gens vont le prendre comme modèle, comme exemple. Et ils vont adorer Allah en se basant sur son innovation et sur sa bid'ah. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est plus grave et c'est plus dangereux que qu'est-ce que le pécheur fait. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne ce verset, qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les hommes sans science. Sans science. Donc il dit, parce qu'ils vont le suivre. Ils vont le suivre dans son égarement et dans son mensonge. Et en particulier s'il a une portion de la science avec lui, s'il a un peu d'adoration, hein, un peu de piété, en apparence il va tromper les gens et les gens vont le suivre dans son innovation. C'est comme l'exemple de ce docteur qu'on a parlé tout à l'heure. Subhanallah, imaginez, si c'était un individu ordinaire ou quelqu'un qui fait des péchés, quelqu'un ne peut pas être trompé. Les gens disent, ah, mais ça, lui c'est un soulard, c'est un pervers. Ils ne vont pas l'écouter. Mais quelqu'un qui a étudié, qui a un doctorat en islam de l'université islamique de Médine, hein, qui est connue comme étant une université qui enseigne la aqida salafia et l'islam, et toi, tu reviens avec ça, tu parles aux gens, et tu t'en vas avec les soufis, les tijaniyas. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? Ceux qui sont avec lui, qui sont les tijaniyas, vont dire, ah, mais si il était avec ces gens, il a étudié l'islam, il a étudié l'aqida, il a étudié le tawhid, il a étudié le fiqh, il a étudié la sunna. Après, il revient chez nous, et il reste avec nous, et il dit que ce qu'on fait, c'est correct, il est d'accord avec nous là-dedans. ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire qu'il a, il a pas désapprouvé. Qu'est-ce qu'on fait nous comme religion? Donc celui-là, il est plus grave que celui qui appelle au péché, hein? Non, ça c'est la preuve que le doctorat c'est pas une justification, hein? C'est pas parce que quelqu'un, hein? En plus, il avait l'excellence dans son diplôme, il a une marque mention d'excellence dans son doctorat. Mais c'est pour ça. Barakallahu fik. Donc, les ulama, ils ont dit par rapport au diplôme, par rapport aux licences, par rapport à la maîtrise, par rapport au doctorat, ils ont dit si la personne qui a ses diplômes, il est sur le Coran et sur la Sunna, et il suit la voie des salafs, et il appelle à ça, et il suit la voie droite, ça c'est un témoignage de bien pour lui. Mais s'il a le doctorat, ou la licence, ou la maîtrise, et qu'il a appris tout ce qu'il faut du Coran et de la Sunna avec les ulama, et qu'après ça il retourne et il enseigne qu'est-ce qui est contraire au Coran et à la Sunna et la voie des salafs, ce sera un témoignage contre lui au jour de la résurrection. Et là, et des individus comme lui, comme Cheikh Rabi, Hafizahullah, il a dit, je considère que ces gens-là, la preuve a été établie contre eux. Parce qu'ils ont étudié toutes ces années-là. Ils ne peuvent pas dire, je ne sais pas, ou je ne savais pas. Subhanallah. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam, mashallah. Dans les hadiths, exactement. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths, Abu Huraira. C'est ça, exactement. Aïcha radiallahu anha. Exactement. Cheikh Ben Baz n'avait pas de doctorat. Mohamed Ibn Ibrahim. Tous les grands ulama du passé, ils n'avaient pas ce genre de diplôme, de doctorat, mais ils étaient des ulama. Exactement. Ils enseignent au doctorat. Ils enseignent au docteur. Donc, ils n'ont pas besoin de doctorat. C'est les doctorats qui ont besoin d'eux. Donc, ça, c'est les ulama de l'islam. Donc, alhamdoulilah. Maintenant, oui. Un autre docteur qui est venu l'écraser le premier. Exactement. Donc c'est ça, comme le frère dit, il y a les frères qui sont ici maintenant, par exemple, ou qui sont là-bas, au Burkina Faso ou ailleurs. Subhanallah, ils voient ces gens-là qui reviennent avec leur doctorat. Eux, ils attendent quelqu'un qui vienne pour les aider, pour défendre le Coran et la Sunna et la voie des salafs et la Aqidah et le Tawhid. Et lui, au lieu de faire ça, il revient et s'en va chez les ennemis du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs. Alors, c'est comme une sorte de trahison, en fait, de la part de ces gens-là. Mais oui, parce qu'il y en a qui étudient pendant des années là-bas, à Médine ou ailleurs, et dans leur cœur, ils cachent leur bid'ah, ils cachent leur égarement, parce qu'ils veulent que arriver à un statut ou à avoir justement ce genre de diplôme. Et lorsqu'ils l'ont obtenu, ils l'utilisent pour la dunya. Et puis après, ils oublient de défendre la vérité. Et il y a eu le même problème chez des frères en Europe ou chez des frères aux États-Unis, des gens qui faisaient partie des hizbiyyin ou des gens de bid'ah, qui ont étudié, qui ont obtenu même parfois des maîtrises, et puis quand ils sont retournés, au lieu de défendre la vérité, le Coran et la Sunna, ils se sont mis à défendre la Hizbiya et les gens de Bid'ah. Et il y en a plusieurs parmi les étudiants qui étaient là-bas, qui étaient des Occidentaux. Donc, le malheur, c'est ça. C'est que il y en a des gens qui étudient et qui utilisent le diplôme pour quelque chose de la dunya, puis par la suite, ils trahissent le Coran et la Sunna et la voie des salafs. Et il y en a d'autres, malheureusement, parfois, qui n'ont pas le diplôme, mais qu'ils ont l'intérêt et l'amour pour le Coran et la Sunna. Ils n'ont peut-être pas obtenu un diplôme, ou ils n'ont pas un doctorat ou une maîtrise, mais, alhamdoulilah, ils font un effort pour essayer de faire défendre cette voie. Puis, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, ah, mais vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas été capable d'obtenir ça. Mais de toute façon, c'est pas, yani, ça c'est pas un problème ou c'est pas grave. C'est comme dernièrement un cheikh qui expliquait, qui disait, c'est mieux d'apprendre de quelqu'un qui a moins de science ou qui a pas de ses diplômes, mais qui est sur la voie droite, que d'apprendre sur de quelqu'un qui a tous ces diplômes là mais qui est sur l'égarement. Hein? Donc ensuite, donc on va terminer juste cette partie. Le cheikh il dit لأنهم يتعبدون لأنهم يتبعونه وخصوصا إذا نعم. Donc les gens vont le suivre, et en particulier s'il a un peu de science ou un peu d'adoration, il montre qu'il est un adorateur ou une personne qui est spirituelle ou religieuse. Les gens se laissent tromper par la suite à cause de ça, par son innovation, contrairement à la personne qui fait le zina, qui boit de l'alcool ou qui fait des grands péchés. Les gens ne vont pas le prendre comme un modèle ou comme un exemple, hein. Au contraire, ils vont détester cette chose-là de sa part et cette caractéristique-là. Et donc, il y a là-dedans yani, des exemples qui nous font comprendre pourquoi la bid'a, elle est plus grave que le grand péché. Plus grave que le grand péché. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis demain on va continuer la suite de ça, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa fikum baraka, barakallahu fikum.